Salut les mélomanes, c'est Joe Kangourou pour un nouveau concert à la radio. Recette simplissime, un studio, un artiste, des instruments, des micros, une table de mixage et roulé jeunesse. Pas besoin de plus. Et pour ce nouveau concert à la radio, c'est le pianiste Étienne Manchon qui s'installe derrière le piano de Campus FM. Étienne Manchon qui, depuis la rentrée, a publié pas moins de 3 albums joués avec 3 formations différentes. Joy avec le Big Band, l'autre Big Band, suivi de Streets avec son propre trio en début d'année. Et puis, dernièrement, est sorti Congé Spatial, album éponyme d'un duo qu'il forme avec le saxophoniste Pierre Laprang. Mais ce soir, c'est avec un programme spécialement conçu pour ce concert que l'on va le retrouver et l'écouter. Je vous laisse découvrir qui en sont les figures tutélaires et on en reparle juste après. Concert à la radio, Campus FM. La réalisation du concert de ce soir est assurée par Thomas Delafosse. Bonsoir tout le monde, c'est Étienne Manchon et je suis super content d'être sur campus pour ce petit concert à la radio initié par Joe Kangourou. Et ce soir, je vais vous jouer des mélodies de Michel Legrand qu'il a écrites pour les films réalisés par Jacques Demy. Et je vais commencer avec « Je ne pourrai jamais vivre sans toi » des Parapluies de Cherbourg. Thank you. Thank you. enchaîner Je ne pourrai jamais vivre sans toi avec la chanson de Maxence qui est dans Les Demoiselles de Rochefort. Et là, je vais continuer avec un morceau qui est dans Les Parapluies de Cherbourg aussi et qui s'appelle Devant le magasin, tout simplement. Thank you. enchaîner trois morceaux à la suite. Je prends mes partitions pour vous dire lesquelles. Donc c'était devant le magasin des parapluies, après dans le magasin des parapluies tout simplement. Et après c'était un extrait de Podane, la chanson qui s'appelle Amour, Amour. Et donc je vais finir avec un dernier morceau, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Thank you. Étienne Manchon, on vient donc de vous écouter dans un programme complètement articulé autour de morceaux tirés de films de Jacques Demy, composition Michel Legrand. Comment avez-vous découvert ce répertoire ? Alors, je pense que j'ai découvert l'existence de Michel Legrand par Claude Nougaro. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Le cinéma, où c'est Michel Legrand qui a écrit la musique, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, j'ai découvert son existence. Après, en fait, moi, bizarrement, je suis très peu cinéphile. Donc je connais très mal les films en général. Et donc notamment tous ces films de Jacques Demy, etc. Ce n'est pas du tout dans ma culture familiale ou quoi. Et en fait, c'est plus à travers le jazz que j'ai découvert les compositions de Michel Legrand. En fait, la chanson de Maxence que j'ai jouée tout à l'heure, il y a une fabuleuse version de Bill Evans sous le titre You Must Believe in Spring. Et c'est plus comme ça que j'ai découvert, et qu'en fait j'ai découvert que c'était un morceau que Michel Legrand avait écrit. C'était plutôt par le jazz que l'inverse, en fait, finalement. Pour ma part, c'est en vous voyant évoluer sur un petit clip que vous aviez fait, que vous aviez publié sur Facebook il y a 6 mois à peu près, que je me suis dit, tiens, c'est rigolo, il a une façon de jouer ce répertoire-là assez singulière, et on en reparlera juste après. C'est vrai que comme ça, au détour de Facebook, on vous voit souvent interpréter, réinterpréter, réarranger des morceaux classiques qu'on ne vous entend pas très souvent jouer sur scène. Non, c'est vrai. En fait, c'est presque... ça fait partie de ma pratique personnelle, en fait. C'est pas forcément des choses que je joue beaucoup sur scène, mais souvent, quand je travaille chez moi, je fais ça. Et puis, j'aime bien, justement, me filmer un petit peu. Ça m'oblige aussi à sortir quelque chose d'un peu constructif de ma session de travail. Donc, justement, ce répertoire-là, qui peut être très brillant dans les films de Demy, très lyrique, très emphatique. Je me souviens notamment de tous ces morceaux qui sont inclus dans Podane, avec un arrangement simili-baroque, avec des violons qui dégoulinent de partout. Vous en faites une version nettement plus délicate, j'allais dire presque nettement plus nostalgique. En fait, j'ai toujours trouvé que Legrand, c'était un incroyable compositeur de mélodies. Et effectivement, après, les orchestrations ou même les choix d'interprètes, etc., ne sont pas toujours ce que je préfère. Mais il n'empêche que la singularité des mélodies, elle est toujours là. C'est aussi, je trouve, la marque des grands compositeurs et des grandes compositrices, que d'arriver à ce que leur mélodie passe dans n'importe quel filtre, en fait, finalement, que ce soit presque opératique ou alors inverse, en piano solo ou même en arrangement rock. Je suis sûr que ça pourrait marcher. En fait, c'est juste que c'est des mélodies tellement intemporelles à la base que ça marche. Sous plein de façons. Là, on vient d'écouter donc 6 morceaux, 3 tirés des Parapluies de Cherbourg, 2 des Demoiselles de Rochefort et 1 de Podane. Comment avez-vous fait ce choix-là pour ce programme, je le répète, que vous avez conçu pour ce moment de radio ? Alors, il y en avait 3 sur les 6 que je connaissais déjà, que j'avais déjà eu l'occasion de jouer plus ou moins. Et après, c'est surtout, je me suis mis les BO des 4 films de Demy, donc ces 3-là plus Lola, et j'ai écouté un peu tout. Je me suis dit qu'est-ce qui m'inspirait, qu'est-ce qui me donnait envie finalement d'en faire quelque chose au piano. Et au final, comme je t'en parlais hors antenne, finalement j'ai rien sélectionné de Lola parce que la musique m'a un peu moins parlé, même si toi tu me disais que le film était un de tes favoris. Mais voilà, c'était vraiment à l'écoute des morceaux où je me suis dit bon, tiens, ça j'aime bien. Et puis j'ai quand même essayé de garder justement une certaine pluralité, quoi, de pas tout prendre d'un film. Avec par contre un niveau d'interprétation qui reste à peu près le même, sur des phases très très tranquilles, très délicates, je le disais tout à l'heure. Avec aussi quelque chose qui ne manque pas d'intérêt, ce fait de te faire télescoper des morceaux tirés d'un film avec un autre morceau tiré d'un autre. On se rend compte donc qu'il y a une certaine homogénéité dans le répertoire de Legrand. Comment ça se fait, ce travail de mash-up ? Alors c'est vrai que déjà je me suis rendu compte, comme tu dis, en fait, à l'écoute justement de ces 4 BO, de la... Il y a quand même vraiment des fils conducteurs en fait, hein, dans ce que fait Le Grand. Alors bon, son œuvre avec Demi, ça s'étale à peu près sur 10 ans, ça de 61 à 70. Et donc effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se recouper et qui, ça n'a pas aucun sens d'aller d'un morceau à un autre dans cette période-là. Et puis après, comment je fais, je ne sais pas trop. Là, j'ai un peu, en fait, j'ai un peu improvisé... Les transitions sont improvisées, mais même j'ai improvisé le fait d'allier tel morceau avec tel autre. C'était pas particulièrement prévu que ces deux-là s'enchaînent en particulier, quoi. J'ai juste décidé du premier morceau et du dernier morceau que j'allais jouer, et puis au milieu j'ai fait bon bah qu'est-ce qui m'inspire maintenant. Parce que vous le disiez tout à l'heure, vous êtes venu avec des partitions, les passages d'un morceau à l'autre, vous venez de le dire, sont aussi improvisés et juste étant le résultat de ce qui vous passait par la tête à ce moment-là. Mais c'est des partitions, c'est celle de Le Grand ou c'est une réinterprétation que vous avez fait à partir des morceaux que vous avez écoutés? En fait, j'ai transcrit des morceaux, donc le plutôt les versions originales de Le Grand, mais juste les mélodies et les accords. Quoi. J'ai pas du tout transcrit les orchestrations, etc. De temps en temps, je me suis noté une ou deux idées, parce que un truc qui est très courant chez Le Grand, c'est que c'est des morceaux qui reviennent jamais au début, en fait, où ça se ressemble un peu tout le long du morceau, mais en fait, c'est jamais pareil. Et donc, vu que j'ai aussi transformé ça en suite d'accords sur lesquels je pouvais improviser, bah, des fois, j'ai un petit peu... arranger les choses pour que ça retombe sur ses pattes à un moment donné quand même, parce que sinon c'est compliqué en fait pour moi d'improviser sur une forme qui n'a pas de bout, quoi. Et c'est vrai qu'une autre des marques de fabrique qu'on a entendu dans ce que vous avez joué de Le Grand, c'est de toujours inclure une partie du thème dans n'importe quel morceau qui fait partie d'un film. Il y a toujours le thème principal qui est cité à un moment donné. Oui, c'est vrai qu'à l'écoute des BO, ça m'a bien frappé aussi. C'est vrai que bon, la chanson de Maxence, par exemple, il y a la chanson de machin, de la chanson de truc, et qui ont toutes le même thème. Dans Podane, ce thème... Amour, il traverse le film, ce thème-là. Oui, il y est tout du long, dans l'ouverture, dans le concerto, enfin, c'est un peu partout. Ouais. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est appris à la fac, dans les écoles de musique que vous avez pratiqué. C'est l'enseignement intègre aussi ce style de compositeur ou pas? Pas tant que ça, je pense. Disons que dans un enseignement vraiment axé jazz, on va plutôt connaître justement ces morceaux qui ont été repris, comme ça a été mon cas d'ailleurs, ces morceaux qui ont été repris par des grands jazzmen comme Bill Evans, etc. Mais presque en oubliant que c'est Michel Legrand qui les a écrits, quoi. Et c'est vrai que en fait, c'est aussi tellement lié justement à ces films que c'est pas facile de détacher la musique de l'image qui va avec. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on nous enseigne tant que ça, que ce soit à la fac ou au conservatoire. En vous écoutant, je me disais que si du côté américain, une grosse partie du répertoire jazz est directement piqué au musical de Broadway ou aux comédies musicales de Hollywood, le répertoire français ne fait pas appel à ces standards-là. Je me souviens avoir entendu... un jour, Césarus Alvim, qui jouait justement Je ne pourrais vivre sans toi. Mais je crois que c'est la seule fois en concert que j'ai pu entendre une version comme ça de Le Grand et du Le Grand des films de Demi. Vous citiez Bill Evans qui avait effectivement repris la chanson de Maxence dans un de ses albums. Mais c'est vrai que les musiciens français ne s'emparent pas énormément de tout ce matériel. Pas tant que ça. Après, je pense que c'est même c'est quelque chose de culturel vraiment, parce que que ce soit Le Grand ou d'autres, parce oui, qu'il y en a des Delerue, des gens comme sûr, ça, ouais. Ça pourrait être. Il y a plein de morceaux qui pourraient très bien marcher. Oui, Le Grand, même des trucs de François de Roubaix, etc. Et en fait, mais c'est juste que culturellement, c'est beaucoup moins ancré en France. Ce truc-là, c'est presque un peu Has-been. Ouais, c'est ça. C'est presque un peu. Un peu la honte, quoi, de faire ça. Et là où Bah oui, tout le répertoire du jazz, tout le Great American Songbook et tout, c'est que les chansons de music hall de l'époque, mm-hmm. en fait. Vraiment, peut-être 50% de la production de jazz des années 40 aux années 70, mm-hmm. C'était que des standards de Broadway. Revisité façon bebop, hard bop, même free. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Et en fait, c'est vraiment un socle mm-hmm. musical. Après, je pense que ça découle aussi d'une culture globale de cette musique-là et qui est évidemment différente en France et en Europe par rapport aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, il y a tellement de super compositeurs qui ne sont pas du tout ancrés dans un idiome jazz, mais dans lesquels il y a vraiment des trucs super à piocher, en fait. Mmh. Même si pour Le Grand, lui, il y était. Alors oui, pour Le Grand, ça c'est sûr que lui... Lui était un fan de jazz absolu et il se revendiquait musicien de jazz. Contrairement à François de Roubaix ou à Delerue. Oui, bien sûr, complètement. Ou Vladimir Cosma. Ah oui, complètement. Mais voilà, pareil, Cosma, c'est un incroyable compositeur. Bah, d'ailleurs, par exemple, même les Américains l'ont plus fait avec de la musique française que les Français l'ont fait avec de la musique française. Mmh. Parce que donc, un des standards de jazz les plus connus, c'est quand même Autumn Leaves, qui est les feuilles mortes de Joseph Cosma. ou Le Grand, par exemple. Et c'est juste que je pense que c'est vraiment culturel de la part des Américains d'aller piocher un petit peu partout. Tant que la mélodie est intéressante, finalement, il mange à tous les râteliers. Moi, je trouve ça cool. Et en imaginant ce petit programme que vous venez de nous jouer, vous ressentez quoi de la joie à jouer de l'intérêt, de la surprise, de la curiosité? Ouais, carrément, j'aime bien. En fait, déjà, comme je disais, je trouve que c'est un super compositeur de mélodies. Et puis, j'aime bien, pour le coup, le fait d'exploiter ça en piano solo aussi. Ça permet d'aller chercher un peu d'autres ouvertures, d'autres choses qui font partie de ces morceaux-là, mais qui ne sont pas forcément ceux sur quoi Le Grand met l'accent, lui, quand il l'écrit ou quand il l'orchestre. Et aussi, j'ai gardé une grosse part d'improvisation sur le moment. J'ai vraiment pas toujours défini... de forme, de manière de faire. Des fois, j'ai mis en boucle un passage parce que j'aimais bien ce que j'avais envie, et c'était pas du tout préparé. Donc ça, c'est quand même une musique qui laisse pas mal de place à l'inconnu si on essaye justement d'exploiter cet inconnu et qu'on reste pas juste sur le format chanson, entre guillemets, basique. Voilà. C'est vrai que cette forme aussi d'interprétation laisse le champ libre à l'imagination. Le piano solo, c'est typique de cette forme de funambulisme musical. Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi, je suis pas un aficionado absolu du solo. On vous voit pas souvent un piano solo. Non, parce que. Parce que, en fait, je trouve que la musique à plusieurs, c'est quand même encore plus cool. Parce qu'il y a. On se fait toujours surprendre par les copains et copines avec qui on joue. Et on se fait parfois surprendre par soi-même, mais c'est quand même plus difficile. mais c'est vrai que ça. Pour des morceaux comme ça, justement, et c'est en général les disques de piano solo que je préfère aussi, c'est ceux qui sont basés sur des thèmes assez simples et qui vont justement aller chercher un petit peu des chemins de traverse. Par exemple, moi, un de mes albums de piano solo préférés, c'est Fred Hersch, donc un incroyable pianiste new-yorkais. Et c'est un album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, qui s'appelle Songs from Home. Et il joue justement des standards, il y a un peu de Beatles, des trucs comme ça. Mais c'est très sobre et en même temps, avec plein de recherches. Et quand on se penche dessus, on découvre un monde, en fait. Quoi. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est une façon aussi de se reposer et une façon d'appréhender le piano de manière un peu plus ludique que lorsque vous jouez en duo, en trio ou en big band. C'est assez différent, mais c'est vrai que ça fait partie d'un truc où il y a une espèce de méditation presque, en fait, dans le fait de jouer, parce qu'on se concentre, on essaye de plonger un peu dans notre instrument. Et c'est vrai que c'est le bon côté du fait de ne pas être en train de jouer avec des gens, parce qu'on a besoin de prêter attention qu'à soi-même, ce qui est déjà beaucoup. C'est aussi le défaut, mais c'est aussi la qualité de cette forme-là. Les gens de ma génération, donc les gens qui avaient à peu près entre 15 et 20 ans dans les années 70, ont été élevés au piano solo par le concert de Keith Jarrett à Cologne, le Cole Concert. C'est un album, par exemple, que vous connaissez? Oui, bien sûr. J'y suis venu assez tard, finalement. Parce que Keith Jarrett peut avoir un côté quand même un peu austère dans sa manière de, de faire les choses. Mais oui, je me suis acheté le vinyle il y a 3 ans, un truc comme ça. Et puis depuis, je l'ai pas mal écouté, en fait. Et ouais, c'est incroyable aussi comme manière de faire. Après, oui, il y a aussi du Brad Meldo, Bill Evans aussi, même si c'est pas ses albums solo que je connais le plus. Mais il y a quand même l'album Alone qui est vraiment très chouette. Et voilà, donc oui, il y a quand même une infinité de possibilités en solo qui sont trop bien. Le répertoire là que vous nous avez joué, il pourrait avoir une suite sur scène ou pas? Carrément. Vu que je l'ai créé vraiment pour l'occasion, je me suis pas posé la question particulièrement. Mais oui, franchement, ce serait un grand plaisir d'étoffer un peu ce répertoire et puis de l'explorer sur scène encore. Eh bien, à la limite, c'est le malheur que l'on vous souhaite. Un été pour vous qui se prépare et qui risque d'être assez occupé, non? Alors effectivement, après c'est bien parce qu'il est moins occupé que les autres années. Mmh. Et moi ça me convient très bien parce que j'ai fait une année par Mons et par Vaux à faire énormément de choses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, avec la sortie de plusieurs albums et tout. Et donc franchement ça me va très bien d'avoir un été un peu plus calme. Mais j'ai quand même une douzaine de concerts. Ouais, jusqu'à la fin du mois d'août, un truc comme ça. J'ai même des vacances. c'est assez formidable. Parce que dans la liste que j'ai citée en début d'émission, j'ai même fait l'impasse sur 6-4-6, l'album dont vous faites partie et qui est sorti au mois de juin dernier, ouais, si je me souviens bien. Mai dernier, avec vos deux compères aussi de l'autre big band. Ouais, Georges et Malo. Voilà, Malo Evrard. Et Georges Torrey. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va vous souhaiter un bon été. Merci en tout cas pour ce programme qu'on va se mettre bien au chaud, histoire de pouvoir le réécouter assez régulièrement sur ces zones de Campusienne. Merci de nous avoir fait ce joli cadeau. Merci à toi. Et à bientôt sur scène, même si vos programmes vous amènent de plus en plus souvent à vous éloigner de ce côté-ci de la Garonne. C'est vrai, mais le cœur reste ici. Ouais, mais enfin, on aimerait bien aussi vous entendre. devant un piano. Promis. Ici à Toulouse. Voilà, donc c'était Concert à la radio avec ce soir Étienne Manchon pour ce programme dédié à la musique de Michel Legrand, époque film de Jacques Demy, Concert à la radio qui va revenir dans pas très longtemps. Merci à Thomas Delafosse d'en avoir assuré la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très très vite. Salut les filles.